Audiomatique. transmission 448 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique du projet Theremin Quattro et la pièce Detonador Dos Mil Vente. Il s'agit en fait d'une version revampée de cette pièce apparaissant à l'origine sur le premier album Le Fluorescente Verde en el Patio, paru en 2000 et qui a été réédité récemment en album double avec, en plus de l'album original, l'ajout de pièces inédites et de versions alternatives ou en concert. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste anglais Christopher Stephen Clark d'assurer la continuité à Audiomatique. See you. Audiomatic, c'était le groupe américain Portrayal of Guilt, de qui on entendait la version musique de chambre de la pièce-titre de leur quatrième album Devil Music, paru le 20 avril 2023. L'album Devil Music comprend deux parties, soit les cinq premières pièces influencées par leur style metal habituel et, pour la deuxième partie de l'album, ces mêmes cinq pièces sont réarrangées principalement pour le violoncelle, le cor et le tuba. Précédemment à Portrayal of Guilt et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, c'était l'artiste anglais Clark de son plus récent album Sus Dog, lancé le 26 mai 2023. Nous avons entendu la chanson Bully. Mentionnons que l'album Sus Dog de Clark a été réalisé par nul autre que Tom York de Radiohead, qui en plus chante sur la pièce Medicine. Et allons-y maintenant avec la formation costaricaine Enigmatica. es que carcomieras mi corazón. Se pudren ya tus flores en mi lápida. No olvides que me aguarda algo mejor. En mi corazón. visionary, popular identity. Getting closer to the limit of our gravity. I sometimes ask myself, did I speak my mind or shut my mouth? Was I a follower, a leader insignificant? Mere shadow of a ghost spirit in a sense. Constant voices break. Talk of truth and never let it go speak. Carry on to the new in the face of my point of view has lost its place. My stains, did I give nothing in return? Stand up for a cause. Give the vision to a new war. Call me ignorant, maybe I was never smart. Like a wolf running high on adrenaline. Dim with a low hum, rising up, growing loud, I can hear them. Religious left and right, power hungry heads of state. Melancholy death for love of nemesis. Strong will survive our soul, say our president. Constant voices break. Talk of truth and never let it go speak. Carry on to the blue in the face of my point of view has lost its place. Last days, did I give nothing? Standard idiots, helter-skelter henchmen. Consequences catastrophic. Lead us not into temptation with your damning words and glorified hatred. A vengeful lineage, we will bear alone to our death. Audiomatique, nous venons de terminer cette séquence musicale sur une pièce de la formation KMFDM, à savoir Last Things, qui se retrouve sur l'album World War III, paru en 2003. Avant KMFDM, c'était le projet Yage, mené parallèlement par les membres de la formation The Future Sound of London, de l'album intitulé The Woodlands of Old, paru en 2008, nous écoutions la pièce de Yage Letters. Et pour amorcer la séquence, on entendait Enigmatica, une formation du Costa Rica qui nous livrait sa pièce Devota, apparaissant notamment sur la compilation Festival Under Latino Americano Volume 1, produite par l'étiquette de disque Tumbas Eternas. Cette compilation propose un tour d'horizon de la scène latino-américaine en termes de musique gothique, post-punk et new wave. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec la formation anglaise HMLTD. We'll be right back. evil worm has commanded that I make known unto you that henceforth the crimes of grunting and consuming worms under the flag of Henry Smichowski's so-called Grunter Rebels will be sentenced to death by public execution in the town square. Eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat. Flush, flush, flush, flush, flush, flush, flush, flush. Cow, chicken, pig, human, cow, pig, human. What's the difference? Thank you. avions droit à Audiomatique au groupe anglais Hawkwind qui existe depuis 1969 et qui nous offrait le 28 avril 2028 leur 35e album studio intitulé The Future Never Waits. De cet album, nous vous avons présenté la pièce They Are So Easily Distracted. Tout juste avant Hawkwind, nous avions droit à la formation anglaise HMLTD et la chanson Saddest Worm Ever, tirée de leur deuxième album The Worm, qui a été lancé le 7 avril 2023. La transmission d'Audiomatique se conclura cette fois sur la musique du projet Rapoon, mené depuis le début des années 90 par Robin Story, ex-membre de la formation Soviet France. De son album In These Ancient Times, paru en 2021, nous allons entendre la composition You Never Learn. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Rapoon et la pièce You Never Learn. C'était Audiomatique avec les Sonoristes. Stupid. That's stupid. You never learn from your mistakes. You never learn from your mistakes.